Philippiens 3, 12. Notre ville est célèbre dans le monde entier. Vous le saviez, ça ? Nous avons le privilège d'habiter dans une ville. Partout où vous allez dans le monde, les gens seront quelque part, ils auront entendu parler de Nice. Probablement pas à cause du Negresco ou de la plage de sable et des cocotiers, mais parce que nous sommes la ville où se passe la course du Iron Man, l'homme de fer. 3,8 km de natation, 180 km de vélo, 42,2 km de course à pied, de marathon. La dernière, c'était le 22 juin 2008, et vous pouvez déjà vous inscrire pour la prochaine, le 28 juin 2009. Il y en a qui sont intéressés de courir cette course ? C'est drôle parce que les partisans du triathlon aimeraient faire grandir le nombre de personnes qui se livrent à ce sport. Et pour ce faire, ils vont devoir changer l'image de ce sport. Au lieu d'être réservé à une élite, ils voudraient que tout le monde essaye de faire ces mêmes sports, mais à un rythme beaucoup plus lent. Le Ironman, l'homme de fer, cette fameuse course dont une étape, dont une des épreuves se passe donc à Nice. Il faut faire tous ces exploits en moins de 24 heures. Les meilleurs le font en moins de 8 heures. Mais je suis comme vous, j'ai pas tellement envie de participer à cette course. D'abord, ça tombe le dimanche matin. C'est gênant pour le pasteur. Mais surtout, ça serait un entraînement incroyablement difficile. Et j'avais eu l'occasion d'aller emmener quelqu'un aux urgences au lendemain de cette course à Saint-Roch. Et là, les concurrents continuaient d'arriver. On les trouvait, les pompiers les trouvaient perdus dans la ville, errants, complètement déshydratés, complètement perdus. C'est une course terrible. Aujourd'hui, Paul nous parle d'une course encore plus importante, une course aux conséquences encore plus terribles. Et cette course, c'est la vie chrétienne. On va lire ensemble à partir du verset 12. Paul était un grand amateur de sport. À l'époque, il y avait les Jeux olympiques, la première version. Il y avait les Jeux isthmiques qui se passaient dans la ville de Corinthe ou aux abords de la ville de Corinthe. Et Paul, aujourd'hui, il aurait été abonné à Eurosport, ESPN. C'était un grand amateur. Il prenait souvent les images de sport pour parler de choses spirituelles. Et lisons donc à partir du verset 12. « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. » Mais je poursuis ma course afin de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par le Christ Jésus. Frères, pour moi-même, je n'estime pas encore avoir saisi le prix. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Christ Jésus. Nous tous, donc, qui sommes des hommes faits, ayons cette pensée, et si sur quelques points vous avez une pensée différente, Dieu vous révélera aussi ce qu'il en est. Seulement, au point où nous sommes parvenus, avançons ensemble. Arrêtons-nous là pour l'instant. Vous vous souvenez du contexte ? Paul nous a expliqué sa démarche chrétienne. Comment il était passé d'une justice par la loi à une justice par la foi. Il avait réalisé que ce n'était pas ses efforts qui pouvaient lui permettre d'être accepté par Dieu, mais c'était le sacrifice que Dieu avait fait en la personne de Jésus-Christ, qui s'était humilié de sa condition de Dieu, le Fils, jusqu'à venir mourir la mort la plus ignoble, la mort sur la croix. Et cette obéissance à ce plan de Dieu lui a valu d'être souverainement élevé et d'avoir une gloire sans pareille. Toute langue un jour va confesser que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et ce faisant, Dieu mettait en pratique de façon sublime et suprême le fait que celui qui s'humilie, Dieu l'élève. Jésus s'est humilié le plus et c'est lui qui est élevé le plus. Il avait vécu comme un juif parfait, entre guillemets. Il avait des raisons de se glorifier dans ses efforts personnels, dans la chair. Il avait été élevé dans une famille religieuse, il avait été circoncis le huitième jour, il faisait partie de la race d'Israël, cette race à qui Dieu avait donné sa parole, ses 10 commandements et qui avait parlé par les prophètes. Il était de la tribu de Benjamin, la seule tribu qui ne se soit pas rebellée contre Judas lorsque le royaume s'est divisé. Il était hébreu né d'hébreu, il était 100% hébreu. Il parlait la langue. En ce qui concerne les 10 commandements et les 623 autres préceptes que l'on trouve dans l'Ancien Testament, dans la Torah, il était pharisien. C'est-à-dire que non seulement il connaissait, mais il mettait en pratique la loi de la façon la plus parfaite qui soit pour un homme. Il avait un zèle fantastique. Ce n'était pas quelqu'un qui vivait sa foi de façon épisodique ou avec le cœur pas totalement engagé. Il était un persécuteur de l'Église. Il poursuivait les chrétiens pour les mettre à mort parce qu'il pensait qu'ils étaient dans l'erreur. Et donc il dit qu'il était irréprochable en ce qui concerne le fait d'être déclaré juste par l'obéissance à des règles de vie, à des lois, à des rituels, il était top. Mais sur la route de Damas, il y a eu un changement de valeur, un renversement complet de valeur. Non seulement il a été renversé de son cheval, lorsque Jésus l'a interpellé, qu'il y a une grande lumière et qu'il a entendu un son qui lui disait « Paul, Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu ? » Il s'appelait encore Saül du nom du roi de cette tribu de Benjamin. Un nom prestigieux, même si le roi Saül, on le sait, n'avait pas été à la hauteur de son appel ou de ce que Dieu attendait d'un roi. Et ce renversement de cheval, de sa selle, s'est accompagné d'un renversement de valeur complet. Toutes ces choses desquelles il était si fier, il nous a dit la semaine dernière. On ne va pas revenir sur les mots qu'il a vraiment dit, mais il a dit en fait que c'était de la crotte. C'était pas du tout des choses valables, dignes d'honneur, au contraire. Il a réalisé que tout ça, c'était comme une perte à cause de Christ. Et d'un seul coup, sa vision de son existence a changé. Et ce qui compte maintenant, c'est, il nous dit au verset 10, « Mon but, c'est de le connaître, Jésus-Christ. » De le connaître pas seulement littérairement, par les livres, de façon livresque ou par ce qu'on en raconte historiquement, mais le mot qu'il utilise, c'est de le connaître d'une façon personnelle par sa propre expérience. Vous ne voulez pas entendre parler de Christ, vous voulez entendre Christ vous parler. Et ça, c'est devenu le but de sa vie. Et connaître Christ, il réalise que c'est non seulement connaître sa puissance de résurrection. Nous avons rappelé qu'est-ce que c'était la plus grande puissance qui soit en œuvre, dans, qu'il nous soit donné de voir à l'œuvre, bien supérieure aux puissances atomiques, aux puissances des nouveaux appareils qui brisent les atomes et les quarks et les particules. La puissance de la résurrection de Christ est une puissance fantastique, une puissance qui peut tout changer, qui peut changer nos cœurs, qui peut changer nos vies, qui peut changer nos mariages, qui peut changer nos relations, qui peut changer nos pays, qui peut changer le monde. Cette puissance de résurrection, il veut la connaître, mais il l'admet, il veut aussi être dans la communion des souffrances de Christ. Il veut mourir à lui-même, il veut connaître la croix. Et il dit que de toute façon, il veut parvenir ainsi à la résurrection d'entre les morts, verset 11. Et là, rappelez-vous que c'est lui qui a écrit 13 des 27 livres du Nouveau Testament. Il aurait eu des raisons de se glorifier, encore une fois, de dire « je suis un grand pasteur, je suis un grand auteur chrétien, je suis un grand apôtre ». Mais il dit « je n'ai pas remporté le prix ». Je n'ai pas atteint la perfection, mais je poursuis ma course afin de saisir ce prix, puisque moi aussi j'ai été saisi par le Christ Jésus. Relisons ce verset qui peut un peu nous étourdir. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je poursuis ma course afin de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par le Christ Jésus. Encore une fois, il ne s'oppose pas en chrétien modèle. À plus forte raison, nous qui peut-être avons une certaine maturité, n'allons jamais faire croire aux autres que nous sommes arrivés, ou que nous avons tout compris. L'humilité, c'est ce que Dieu attend de nous. Et l'humilité, c'est toujours du réalisme, de réaliser que, en réalité, ma vie, même ma vie chrétienne qui a fait des progrès, elle est encore loin du compte. Et Paul utilise donc cette image de l'athlète qui est engagé dans une course. Il n'a pas remporté le prix, il n'a pas eu la médaille d'or encore. Il n'a pas atteint la perfection, mais il poursuit. Et puis, entre parenthèses, il y a le mot « ma course ». Dans la version à la colombe que j'utilise et qui est disponible aussi pour ceux qui veulent l'avoir auprès d'Anne, dans le dépôt vente, le mot est entre parenthèses, « ma course » est entre parenthèses. Ça veut dire que ça n'est pas un mot qui se trouve dans le texte original, mais c'est un mot qui est rajouté pour vous faire mieux comprendre le sens de la phrase. Et ce qui est ironique, en fait, c'est que le mot de courir, qui est traduit ici par courir, en anglais, on dit des fois to press on, de faire des efforts pour continuer, c'est aussi le même mot qui est traduit par ailleurs, par persécuter. Et je trouve que c'est ironique que lui qui persécutait l'Église, qui persécutait les chrétiens, il mettait toute son énergie, toute sa hargne, toutes ses ressources pour essayer de détruire l'Église de Christ, pour essayer de détruire quelque part Christ. C'est ce que dit Christ. Pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi est-ce que tu me poursuis avec autant de hargne et de vengeance, d'esprit de vengeance et de destruction. Le même Paul, maintenant cette énergie, il la met pour courir après Christ, pour courir vers Christ. C'est le même mot, dioko, persécuter, courir, presser, s'efforcer. Et Paul, c'est le plus bel exemple de repentance de la Bible. Si Dieu peut changer le cœur de Paul, il peut changer votre cœur, il peut changer le cœur des membres de votre famille, de vos amis, Il peut changer, il peut même changer la France laïque. Est-ce que vous croyez que Dieu peut changer la France laïque? Pas pour qu'elle devienne catholique, mais pour qu'elle commence à suivre Jésus-Christ sérieusement et non rituellement. Ça, c'est la puissance qui a agi en Paul, un peu comme dans un dessin animé. Il courait avec toute son énergie d'un côté, puis soudain, pof, il se passe quelque chose et il court de toute son énergie de l'autre côté. Est-ce que ça s'est passé dans votre vie? Est-ce qu'il y a eu le même genre de renversement de valeur, renversement d'attitude, renversement de conduite? Pour ceux qui ont eu le privilège de naître dans une famille chrétienne, peut-être que ça ne s'est pas produit, mais ne vous en plaignez pas. Remerciez le Seigneur de ne pas avoir couru dans la mauvaise direction pendant si longtemps. Je disais la semaine dernière que c'est difficile, au-delà de l'adolescence et des jeunes années jusqu'à la trentaine, de se après ça, c'est très difficile de se convertir parce qu'on a grimpé une échelle et on s'aperçoit à la fin qu'elle était appuyée contre le mauvais mur. On a recherché l'argent, le pouvoir, les plaisirs, l'éducation, la grosse tête. On a recherché et on s'aperçoit où on ne veut pas reconnaître qu'on s'est trompé. Paul, il n'a pas eu honte de réaliser, il faut dire que Dieu lui a forcé la main un peu, mais il l'a choisi pour être un instrument puissant, justement en ayant ce renversement complet. Une chose qui est très importante, c'est de bien comprendre qu'on ne court pas après le salut. Ce n'est pas de ce dont il s'agit, ce prix, ce n'est pas le salut, parce que le salut, on l'a vu. Revenons à Éphésiens, juste le livre un peu à gauche, revenez en arrière. Éphésiens 2, 8. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Très important de réaliser qu'on ne vient pas à Dieu par nos mérites. Encore une fois, on ne vient à Dieu qu'en reconnaissant qu'il a sacrifié son Fils pour nos péchés et qu'il nous demande simplement d'accepter ce sacrifice et de lui demander de venir dans notre vie, lui qui est ressuscité avec cette puissance incroyable. Donc, le salut, c'est un cadeau que l'on reçoit. Ce n'est pas quelque chose que l'on essaye de mériter. Mais il y a un verset que on oublie souvent de retenir, le verset 10. Et encore une fois, les versets, c'est une méthode qui a été mise en place pour qu'on puisse parler du texte en se mettant d'accord du passage que l'on lit. Mais ce n'est pas inspiré. Et il est dit, verset 10 de Éphésiens 2, car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous sommes son ouvrage, nous sommes son... Le mot grec, c'est le mot poema. Nous sommes comme un poème, comme une œuvre d'art, comme un chef-d'œuvre qu'il a créé en Christ Jésus. Pas pour qu'on se regarde dans la glace et qu'on se dise « qu'est-ce que je suis beau, je suis vraiment un chef-d'œuvre ». Il y en a pour qui c'est plus difficile que pour d'autres, de penser qu'on est un chef-d'œuvre en se regardant dans la glace, mais de savoir qu'il nous a créés pour des œuvres. Il nous a créés pour des actions, pour des ministères, pour des choses à réaliser dans notre vie. Et ça, il les a préparés de toute éternité. Il les a préparés d'avance afin que nous les pratiquions. Et quelque part, c'est un peu ce que nous cherchons. Nous avons été saisis par Christ Jésus. Encore une fois, la Bible est claire. L'initiative, elle appartient à Dieu. Nous ne venons pas à Dieu parce que nous sommes spirituels et que nous voulons le rencontrer. C'est lui qui vient à nous. L'initiative, dans la relation entre Dieu et l'homme, elle appartient toujours à Dieu. Ça, il est bon de le savoir. Si vous avez, vous êtes curieux de Dieu, ce n'est pas parce que vous êtes quelqu'un de très moral ou de très intelligent. C'est parce que Dieu, par son Esprit Saint, a mis quelque chose dans votre cœur. C'est lui qui initie. Et nous, tout ce qu'il nous demande, c'est de répondre à cette initiation. Il veut que nous l'écoutions quand il nous parle, par son Esprit Saint, lorsqu'il nous montre que la vie est vide s'il n'y a pas de Dieu. J'ai du mal à me rappeler comment je pouvais vivre avant que je ne connaisse Jésus-Christ. Qu'est-ce qui me faisait me lever le matin ? Ça va qu'on est, on est jeune, on a de l'énergie. On a des tas de choses, des passe-temps, des distractions, les appelées Pascal, qui font qu'on... Mais je me souviens de moments de profonde tristesse existentielle. Je peux me rappeler un jour où je marchais rue Lodi à Marseille. Mon père était né rue Lodi, hors les murs. C'est-à-dire que sa maman avait accouché dans cette rue. Et je me trouvais à Marseille, j'étais allé voir cette rue. Et je marchais, j'avais une vingtaine d'années. Et j'avais eu ces questionnements, mais qu'est-ce que la vie ? Mon père est né ici, maintenant je suis là qui marche. Qu'est-ce qu'il y a dans la vie ? Qu'est-ce qui fait que j'étais étudiant, j'avais des amis, tout allait bien, comme pour la plupart d'entre vous. Mais je me disais, mais mon père est mort, et moi je vais mourir. Et à quoi cela sert-il ? Quelle est la finalité de la vie ? Est-ce qu'il n'y a pas un sens plus profond de la vie que de se dire, on est éduqué par des parents en espérant qu'ils nous aiment, on réussit dans les études un peu, on peut trouver un diplôme, un travail, travailler, se donner, prendre sa retraite, et puis mourir. Waouh ! Ça c'est chouette, c'est merveilleux ça, quel programme ! Et plus on grandit, plus on s'aperçoit que le temps passe très très vite. Et que cette retraite qui semblait si lointaine, ben elle arrive. On nous envoie les papiers de la Sécu pour reconstituer votre carrière. Quelle carrière ? Moi, je commence. Et on a ce vide existentiel parce qu'on n'a pas réalisé que Dieu nous a créés avec un but. Il y a un Dieu qui nous aime. Il y a un Dieu qui fait qu'on a une raison de vivre. Pas seulement pour ces quelques 80 années ou 50 ou 120 si on est très, très gâté par la vie. Généralement, ils disent qu'ils préféraient partir plus tôt. Paul, il se dit que la vie, elle n'avait pas de sens avant. Il croyait avoir donné un sens à la vie, à sa vie en persécutant l'Église, mais... Non, il a eu ce renversement de valeur. Il ne court pas après son salut. Son salut, il l'a. Il en est convaincu. Quelqu'un a dit de façon très claire, le salut, c'est pour ceux qui sont perdus. Ça rime, c'est facile de s'en rappeler. La récompense, c'est pour ceux qui sont sauvés. Les récompenses dont la Bible nous parle... Alors, je disais que ça rimait, le salut, c'est pour ceux qui sont perdus. La récompense, c'est pour ceux qui sont entrés dans la danse. Une rime faible, mais rappelez-vous de ça. Une fois que vous êtes sauvés, ce qui compte, c'est pas d'être sauvés de nouveau. Il y a des églises où on vous fait vous sauver tous les dimanches. On vous appelle à la fin du culte. Non, si vous avez déjà prié pour recevoir le Seigneur, je sais, des fois, c'est pratique pour le prédicateur qui invite des gens de voir que Jean-Pierre, qui s'est fait sauver déjà 25 fois, va encore lever la main. On peut dire « Ah, merci Seigneur, je vois que tu as tout... » Non, mais une fois que vous êtes sauvé, vous êtes sauvé. Par contre, une fois que vous êtes sauvé, vous devez courir vers cette perfection, vers ce prix. Il ne perd pas... d'une perfection divine. Il parle, l'apôtre Jean nous parle de cette perfection lorsqu'il nous dit dans 1 Jean 3:2, Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, lorsque vous avez accepté Jésus-Christ et que vous avez reçu le salut par la foi. Nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Même les meilleurs d'entre nous, c'est loin de ce qu'il va faire lorsqu'il va manifester. Mais, continue l'apôtre Jean, nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Puis il dit, quiconque a cette espérance d'être un jour comme Jésus-Christ se purifie comme lui-même est pur. Cet état de perfection divine dont Jean nous parle, ce n'est pas l'état de perfection dont Paul nous parle, dans le sens où, dans la perfection de 1 Jean 3,2, c'est une espèce de maturité spirituelle absolue. Nous sommes maintenant semblables à Christ. Je crois que toute l'éternité, on progressera quand même dans la compréhension. Mais Paul, il veut nous faire comprendre qu'on ne peut pas atteindre cette perfection dans notre vie. Il n'en est pas encore là lui-même. Et il sait que de ce côté de l'éternité, il ne sera pas parfait, il ne sera pas complètement semblable à Jésus-Christ. Dieu, qui voit les choses de façon intemporelle, c'est-à-dire que pour lui le passé, le présent, le futur, c'est la même chose parce qu'il est Dieu. Et il nous dit, par l'intermédiaire de Paul, encore une fois, dans Romains 8, 28 et 29 et 30, on va lire ce petit passage, c'est page 177 dans la Bible à la colombe, dans le Nouveau Testament. Nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Notre destinée, c'est d'être des chrétiens, au sens vrai, c'est-à-dire des petits Christ, semblables à Jésus-Christ. Et puis, il ajoute, et c'est toujours un verset qui nous rend perplexes, ceux qu'il a prédestinés, ceux qu'il a vus d'avance, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Il parle au passé. Dieu nous voit déjà comme semblables à son Fils. Non seulement il nous a connus à l'avance, il nous a appelés, il nous a justifiés, il nous a déclarés bons pour le service ou bons pour son royaume, lorsque nous avons été sauvés, lorsque nous avons reçu Jésus-Christ par la foi, c'est la justification par la foi et non la justification par la loi. Et non seulement le salut, c'est cette justification, mais c'est aussi cette glorification. Il y a entre-temps, c'est la sanctification qui fait que de plus en plus, on ressemble à Jésus-Christ. Mais il nous voit glorifiés. Et cette glorification, c'est la perfection que Paul n'a pas encore atteinte. Encore une fois, méfiez-vous des hommes qui voudraient vous donner l'impression qu'ils ont atteint quelque chose. Et il y en a beaucoup, beaucoup plus qu'on ne pense. Ils veulent vous faire croire qu'ils ont atteint ce prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. C'est parce qu'ils sont aveuglés, qu'ils n'ont pas réalisé encore combien ils sont loin du compte. Ça ne doit pas être une excuse pour se complaire dans le péché et dans le fait de se dire « je ne veux surtout pas être parfait parce que je sais que ce n'est pas possible, donc j'en profite et je fais n'importe quoi ». Non, c'est une saine réalisation de la réalité. Paul ajoute qu'il fait plusieurs choses. Allô ? Est-ce qu'il dit ça? Est-ce que Paul dit « je fais plusieurs choses » Regardez le texte, n'écoutez pas Pierre. Paul dit « je fais une chose ». La foi chrétienne, certains en font, en donnent une image de grande complexité. Pour être chrétien, il faut apprendre le grec, l'hébreu, faire des études de théologie, des études d'herméneutique, des études de pneumatologie, de sotériologie, d'eschatologie. Ça, c'est tous des termes savants que les théologiens aiment bien utiliser pour se valoriser. En fait, Paul veut nous rappeler que c'est simple. Et il y a une étude intéressante à faire. Et on va juste regarder quelques passages. Si vous voulez regarder le psaume 27, c'est David qui parle à l'Éternel. Je demande à l'Éternel 36 choses que je recherche ardemment. Non, il dit, je demande à l'Éternel une chose. On a un chant sur ce verset. Je demande à l'Éternel une chose que je recherche ardemment, habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Ce que David demande, c'est d'être proche de Dieu. Luc 18, 22. C'était le jeune homme riche qui venait à Jésus et qui lui disait « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Verset 18. Jésus lui dit « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. » Ça, c'est pour faire réaliser à ce jeune homme riche qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu. Il lui dit, il ajoute, tu connais les commandements, ne commets pas l'adultère, ne commets pas de meurtre, ne commets pas de vol, ne dis pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère. Et le jeune homme répond tout de suite, j'ai, dit-il, gardé tout cela dès ma jeunesse. Jésus ajoute, après l'avoir entendu, il te manque encore une chose. Il y avait quelque chose qui le bloquait. Il était encore attaché aux choses matérielles. Une chose était son problème, pas 36. Luc 10, verset 42. Ça, c'est la fameuse épisode entre Marthe et Marie. Les deux sœurs qui reçoivent Jésus-Christ. Vous connaissez sans doute bien cette histoire. Il y a Marthe qui est celle qui est pratique, qui est toujours prête à aider pratiquement, à faire le travail. Et puis il y a Marie, elle, qui est plutôt la rêveuse, qui aime le Seigneur de tout son cœur. Et lorsque Jésus-Christ vient chez elle, elle laisse sa sœur faire le travail, préparer le repas, mettre la table. Et sa sœur en a marre, pour parler poliment. Elle rouspète, elle lui dit, « Mais Seigneur, tu ne peux pas demander à cette feignante là de me donner un coup de main, là. C'est bien beau. » Et Jésus lui répond, avec amour, je crois, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Or, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. » Quand il est temps de passer du temps avec Jésus-Christ, c'est la chose nécessaire. D'être aux pieds de Jésus, c'est la seule chose vraiment nécessaire. Toujours cette unicité. Il n'y a pas 36 choses. Jean 9, 25. Et on s'arrêtera là. C'est l'histoire de la guérison de cet aveugle. Et les pharisiens, les chefs religieux sont énervés après lui. Et ils ne voulaient absolument pas que Jésus-Christ soit reconnu comme le Fils de Dieu, qu'il soit reconnu comme le Christ, c'est-à-dire le Messie. Et donc les pharisiens disaient à ses parents qu'il arrête de parler de Jésus-Christ, de la façon dont il avait guéri. Et verset 25, ils vont voir, 24 plutôt, ils vont voir cet homme qui a été guéri. Donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est pécheur. Arrête de parler de Jésus-Christ, autrement dit. Et il a cette merveilleuse réponse. Moi, tout ce que je sais qu'une chose, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. C'est un thème qu'on retrouve sans arrêt dans la parole de Dieu, parce que c'est la volonté de Dieu pour notre vie. Dieu veut une seule chose, il veut votre cœur. Après, une fois qu'il a votre cœur, il peut faire ce qu'il veut de vous et accomplir les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour vous. Mais c'était justement ce que Paul disait, je fais une chose. On pourrait dire, oui, mais il a écrit la moitié de la Bible, du Nouveau Testament, il a voyagé. Ça, c'était des conséquences de la seule chose qu'il faisait. Il oubliait ce qui était en arrière et il tendait vers ce qui était en avant en courant vers le but de connaître Christ intimement, par expérience, pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Christ Jésus. Il savait que Dieu l'avait interpellé pour quelque chose et il poursuivait Jésus, il poursuivait Dieu pour savoir quelle était cette chose. Et c'était sa vie. Il faisait qu'une chose. Il oubliait complètement ce qui était en arrière et il tendait vers ce qui était en avant. La Bible est merveilleuse. Elle nous rappelle qu'avec Dieu, vous n'êtes pas esclave de votre passé. On en a parlé à d'autres occasions, je vais me répéter. La psychologie peut aider certains dans certains problèmes. La psychiatrie, des problèmes d'équilibre chimique, est peut-être nécessaire par moment. Souvent, elle est plus nécessaire pour ceux qui sont responsables des personnes dans cette détresse que pour les personnes elles-mêmes, parce que ça permet aux personnes qui s'occupent de la personne dans la détresse d'avoir un peu de repos. On met des drogues psychotropes, c'est le mot que je cherchais, merci, pour bloquer les réactions de la personne et avoir un peu de tranquillité. Mais la Bible, elle ne cherche pas à explorer notre passé comme la psychanalyse le fait. Et je crois que c'est merveilleux de savoir qu'on peut redémarrer à zéro, qu'on peut oublier ce qui s'est passé dans le passé. Et ça, c'est pas une chose qui se trouve ici et que j'interprète, c'est un message constant dans la Bible. Le prophète Ésaïe disait dans Ésaïe 43, 18, « Ne vous souvenez pas des premiers événements, ne considérez plus ce qui est ancien, « voici, je fais une chose nouvelle. Elle est maintenant en germe. Ne la reconnaîtrez-vous pas ?» Dieu fait des choses nouvelles. Une autre traduction nous dit « ne ressassez plus les faits d'autrefois. Moi, je vais faire du neuf qui déjà bourgeonne. » Si vous avez des problèmes avec votre passé, c'est merveilleux de savoir que Dieu peut vous prendre là où vous êtes maintenant et vous faire courir vers le futur sans vous retourner vers le passé. 2 Corinthiens 5, 17, un verset clé aussi dans la vie du chrétien, du nouveau converti. 2 Corinthiens 5, 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Quand on vient à Christ, on peut laisser tomber ce qui nous donnait de la culpabilité, ce qui nous bloquait. ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon, des fois, de regarder un peu en arrière. Dans la vie du chrétien, il peut être bon de s'encourager en regardant le passé pour voir les progrès que Dieu nous a permis de réaliser. Mais de la même façon qu'on ne peut pas conduire une voiture en avant en regardant toujours dans le rétroviseur, si vous essayez de faire ça, je peux vous garantir des dégâts. Bonjour les dégâts. De la même façon, on ne peut pas progresser dans la vie chrétienne en regardant toujours ce qui est derrière vous. Votre passé sans Christ ou vos péchés après que vous ayez connu Christ. Non, la Bible, elle est merveilleuse parce qu'elle nous dit « Maintenant, on est ensemble et on regarde vers le futur. » Et on a tous des problèmes dans notre passé. Pourquoi ? Parce qu'on est né dans un monde touché par le péché. Nos parents n'étaient pas parfaits. Est-ce que vous avez remarqué ça ? Si vous avez passé l'âge de 3 ans, vous savez que vos parents ne sont pas parfaits. C'est pour ça, les parents, profitez des moments où vos enfants sont si petits qu'ils vous pensent capables de faire toutes choses pour eux, qu'ils vous regardent comme si vous étiez Dieu. Ça ne va pas durer longtemps, je peux vous le garantir. Paul, il veut courir cette course sans regarder en arrière. Il y a une statue célèbre à Vancouver, en Colombie-Britannique, qui représente deux coureurs. John Landy, qui était un coureur australien, je crois, oui. Et puis Roger Bannister, qui était un Anglais et qui a été le premier homme à passer la barrière des 4 minutes pour le 1000. 1609 mètres en moins de 4 minutes. Il a battu ce record le 6 mai 1954. À l'époque, les gens étaient persuadés que ça serait jamais possible, qu'il y avait une barrière physiologique, qu'on ne pouvait pas dépasser cette vitesse. Mais un jour, il a pas écouté le passé, il a dépassé cette barrière qui paraissait infranchissable. Un peu comme les 10 secondes pour le 100 mètres. Maintenant, on se rapproche du 9 secondes et demi. Et puis, le 21 juin, c'est John Landy, l'Australien, qui a battu son record en 3,58. Il avait fait 3,59 la première fois, Bannister. Il a fait 3,58. John Landy l'a battu. Et puis, à l'époque, c'était encore les Jeux de l'Empire britannique et du Commonwealth. Et le 7 août 1954, il y a eu la première course au monde où deux coureurs ont battu chacun la barrière des 4 minutes. Mais bien sûr, il y avait une grande compétition entre les deux coureurs. Et c'était John Landy qui avait fait la course en tête. Ils étaient au coude à coude, mais c'était John Landy qui était le premier. Et à un moment, il a juste donné un coup d'œil pour voir où était son adversaire. Et apparemment, il a regardé du mauvais côté. Et cette fraction de seconde où il a voulu regarder en arrière lui a coûté la victoire. C'est Roger Bannister qui a gagné cette course mémorable. Et cette statue à Vancouver représente ces deux hommes en pleine course. Et on voit le perdant qui tourne légèrement, si légèrement la tête. Et ça, c'est une illustration fantastique de la course du chrétien. Ne regardez pas en arrière, fixez vos yeux sur Jésus-Christ. Ça vous rappelle peut-être un passage célèbre dans Hébreux. Hébreux 12. Et ça me laisse à penser encore que l'auteur de la lettre aux Hébreux pourrait bien être l'apôtre Paul, même s'il n'y a pas de certitude historique. L'auteur disait, verset 12, chapitre 1, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, tout ce qui est le passé, tout ce qui est mauvais, et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. » Fixons nos yeux sur Jésus-Christ. C'est ce que fait Paul dans sa vie de chrétien. Il oublie ce qui est en arrière et il tend vers ce qui est en avant. C'est un mot, ce mot de tendre, c'est le même mot qu'on utilisait pour justement pour les athlètes qui se jetaient sur le fil de la course à l'arrivée, ou aussi pour des... je ne sais pas si vous avez déjà vu des groupes d'oiseaux comme des oies sauvages, et lorsqu'il y en a un qui surveille pour le reste de l'équipe, du groupe d'oiseaux, il a la tête tendue et il regarde, il se décroche presque le cou. C'est cet effort de tendre vers ce qui est en avant que Jésus, que Paul veut faire pour courir vers le but. Le prix, c'est la vocation céleste de Dieu en Christ Jésus. Nous voulons savoir ce que Dieu a comme projet pour notre vie. Et nous voulons nous efforcer de tout notre être d'accomplir ce but. Et puis il continue, la vocation céleste de Dieu en Christ Jésus. Vocation céleste, ça peut paraître un peu religieux. Vocation, c'est simplement l'appel. Dieu, vous êtes ici parce que Dieu vous a appelé à lui. Peut-être que vous ne le connaissez pas encore, mais il n'y a pas de coïncidence. Si vous êtes ici, c'est parce qu'il a fait en sorte que vous entendiez son appel. Et cette vocation céleste, ça fait contraste avec ce qui est terrestre, ce qui est temporaire. Nous avons un appel pour l'éternité, avec des applications pratiques ici-bas, nous sommes appelés à des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour nous. Et Paul continue, « Nous tous donc qui sommes des hommes faits, ayons cette pensée, et si sur quelques points vous avez une pensée différente, Dieu vous révélera aussi ce qu'il en est. » Deux choses, Paul avait de l'humour, il vient de dire qu'il n'avait pas atteint la perfection. Là, il dit que nous, qui sommes des hommes, c'est le même mot ou une même racine que le mot perfection, nous qui sommes parfaits, mais dans le sens nous qui sommes arrivés à une certaine maturité. Certains pensent qu'il fait un jeu de mots et qu'il ironise en disant nous qui sommes entre guillemets parfaits, continuons. Et il dit que ce soit vraiment notre pensée, que nous avons une course à accomplir en y mettant tout ce que nous avons. Et puis il ajoute, j'aime bien ça, si vous n'êtes pas d'accord, le Seigneur vous montrera que vous avez tort. Ça rime encore. Vous n'êtes pas d'accord, vous saurez que vous avez tort. Il le dit de façon plus gentille, si sur quelques points vous avez une pensée différente, Dieu vous révélera aussi ce qu'il en est. On lit ça, on ne remarque pas, enfin, vous avez le droit de vous tromper, mais désolé, la vérité, c'est ce que je viens de vous dire. Il avait cette autorité apostolique, il avait été utilisé par Dieu pour communiquer le message. Et il dit de toute façon, verset 16, « Seulement au point où nous sommes parvenus, avançons ensemble. » On n'essaie pas de donner l'impression aux autres qu'on est arrivé à un stade de grande spiritualité, de grande efficacité, de grands résultats dans la vie chrétienne. Non, on est tous ensemble en chemin. Il y en a qui trébuchent, il y en a qui courent mieux, il y en a qui vont se fatiguer un peu plus tard. On avance tous ensemble. Ça, c'est tellement important de s'encourager dans la course. La course, on a tendance à penser que c'est quelque chose d'individuel, mais la course chrétienne, c'est quelque chose qu'on fait tous ensemble. Parce que à quoi bon d'arriver tout seul si les êtres chers ne sont pas là? Paul aussi était prêt à mourir, à être damné, si ça pouvait permettre aux Juifs d'être tous sauvés. Parce que avançons ensemble. Et puis il osait dire, verset 17, « Soyez mes imitateurs, frères. Portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » Waouh ! Quel orgueil, ce Paul. Imitez-moi. Et pourtant, c'est ce qu'on devrait pouvoir dire. Faites ce que je fais et non pas simplement faites ce que je vous dis de faire. Trop souvent, on n'ose pas se poser un modèle dans la vie chrétienne. Et on fait semblant de le dire par humilité. Alors qu'en fait, c'est parce qu'on voit qu'on ne court pas la course avec tout ce qu'on a, qu'on laisse des compromis, qu'on laisse des péchés nous encombrer, comme dit Hébreux 12. Paul n'avait pas honte de dire « Regardez-moi, courir, suivez-moi, et ça va être formidable, on va pouvoir avancer ensemble. » Il dit « Soyez mes imitateurs. » Dans un autre passage, 1 Corinthiens 11, 1, on va vérifier, c'est j'aime bien donner des secrets pour se rappeler de versets. 1 Corinthiens 11, 1. 1, 1, 1, 1. 1. Maintenant, vous rappellerez 1 Corinthiens 11, 1. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Paul ne dit pas « Je suis parfait ». Il dit « Suivez-moi parce que moi, j'essaye de suivre Jésus-Christ ». Est-ce que nous, on ne devrait pas aussi pouvoir dire aux autres, je ne suis pas parfait, mais j'essaye de suivre Christ. Si tu fais ce que je fais, tu vas te rapprocher de lui. Et si nous sentons mal à l'aise pour dire ça, est-ce que nous pouvons corriger ce qui cause notre malaise, notre péché habituel, nos problèmes typiques, notre manque de zèle, nos compromis? Est-ce que nous pouvons mettre un terme de façon à pouvoir dire avec Paul, hey, je ne suis pas parfait, mais venez avec moi, suivez-moi. Paul est humble, il ne dit pas, il n'y a que moi qui fais ça. Il dit, regardez autour de vous. Il dit, portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Il dit, je ne suis pas seul. Regardez dans l'église de Philippe, il y en a d'autres qui avancent. Regardez Timothée, regardez Épaphrodite, regardez ces gars-là. Et nous aussi, nous sommes entourés par des personnes qui peuvent nous encourager dans cette course. J'ai des personnes qui m'encouragent, des modèles. Bien sûr, j'ai des grands modèles comme Chuck Smith ou mon pasteur de Seattle qui a un zèle pour l'évangélisation, pour l'implantation d'églises. J'ai d'autres personnes qui ont un zèle pour la consécration personnelle. Et j'ai le plaisir de vous dire que parmi vous, il y en a qui sont des encouragements pour moi. Je me dis, tiens, si tel ou tel était confronté à ce problème, comment est-ce qu'il réagirait? Est-ce qu'il engueulerait la fonctionnaire à la préfecture? Ça serait ma première réaction, moi. Certains d'entre vous savent que si j'avais une mitraillette, il y a des fois, ça serait dangereux. Mais je pense... Non, je pense à certains d'entre vous. J'ai dit non, cette personne n'essayerait pas d'imposer sa vision des choses ou de montrer de la colère. Cette personne serait humble, montrerait l'amour de Christ. Vous les connaissez, vous les voyez. Vous voyez ces personnes, qu'elles soient des exemples, des encouragements pour vous. C'est ce que Paul veut nous dire. La course... de la future Ironman, c'est le 28 juin 2009. La course dont parle Paul, c'est à partir de maintenant. Ok ? Amen.